بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Cette nuit du 28 Jumada dernier, cette assise aussi concerne les fondements de l'aqida et d'où il doit être pris. ومن خلال الجلسات الماضية تبين لنا أهمية العقيدة ولماذا علينا بالعقيدة أولا، وتبين لنا أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة وسعادة المجتمع المسلم في الدنيا والآخرة تكون بالعقيدة الصحيحة. كما قرر ذلك أهل العلم، عقيدتنا تؤخذ من الكتاب والسنة حتى لا نضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. والحديث في صحيح الجامع الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه. وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. Donc, durant les cinq assises précédentes, il nous est apparu d'une façon claire qu'il faut donner une importance particulière à la aqida, et que la aqida doit être notre priorité, doit être la priorité des priorités dans notre vie, car le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà dépend d'une aqida authentique. Le bonheur de la société musulmane dans ce bas monde et dans l'au-delà ne peut s'obtenir qu'avec une aqida authentique. Et comme l'ont confirmé les savants, notre aqida se prend du livre et de la sunna, comme l'a dit le messager alayhi salam dans ce hadith authentique rapporté dans Sahih al-Jami' et authentifié par Cheikh Nasr al-Din al-Bani rahmatullah alayhi dans ce recueil. Il a dit alayhi salam: je vous ai laissé deux choses, vous n'allez pas vous égarer si vous vous y cramponnez. Le livre d'Allah et ma sunna. Et le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salam sont entre nos mains. Wa hadi al-aqidatu allati akhadna min al-kitab wa sunna la budda an tufahama kama fahima as-sahabatu ridwanullah alayhim wa tabi'un wal a'immatu al-a'lam wa man sar ala nahjihim ila yawmina hadha wa ila yawmiddin istijabatan liqawlihi 'azza wa jalla ulaika alladhina hada Allahu fa bihudahum iqtadih. ومن هؤلاء الذي أمرنا الله أن نقتفي آثارهم وأن نسلك نهجهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. Et donc cette aqida qui doit être prise du livre et de la sunna, il est obligatoire de la comprendre comme l'ont compris les nobles compagnons de Allah alayhim et leurs successeurs, et les emblèmes de la science parmi les imams de cette communauté, et ceux qui les suivent à la perfection jusqu'à le jour et jusqu'à la fin des temps. Conformément à la parole d'Allah, dans cette traduction approximative de ce verset qui dit: voilà ceux qu'Allah a guidés, soyez sur leur direction, suivez leur direction. Et parmi ceux qui nous a été ordonné de suivre, et de suivre leur voie, et leur chemin, et leurs traces, et d'être sur leur voie, il y a, à la tête de ceux-là, il y a les compagnons du messager, alayhi salam, et ceux qui les suivent à la perfection. Il est dit dans le verset, dans sa traduction approximative du sens, et les premiers immigrants, et les auxiliaires, c'est-à-dire les Ansar al-Madina, et ceux qui les suivent à la perfection, Allah est satisfait d'eux. Et eux sont satisfaits de ce qu'Allah leur a réservé, et il leur a préparé des jardins sur lesquels coulent des fleuves, ils vont y vivre éternellement. Et ça, c'est l'énorme succès. Une autre verset dans la traduction approximative nous dit ceci, quiconque fait scission d'avec le messager alayhi salam après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre chemin que celui des croyants, alors nous lui ferons l'alliance avec ceux avec qui il s'est allié, et sa demeure sera Jahannam, qu'il mauvaise demeure. Et aussi le hadith du prophète alayhi salam, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, le hadith il est authentique. Dans une partie de ce hadith, il est dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui vivra parmi vous après moi verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous à ma sunna, c'est-à-dire à ma voix, et à celle des khalifs bien guidés, et mordus dessus avec vos molaires. Et dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasr Dil Albani, rahmatullah alayhi, dans un hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ma communauté se divisera en 73 groupes, tous ce feu, sauf une. Ils ont dit laquelle? Ô messager d'Allah, il a dit celle qui sera sur la même voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons. Donc nous devons le dire. وَيَجِبُ عَلَيْنَا ويجب علينا أن نقولها وعلى الملأ لأنها عقيدة ندين الله بها حتى نلقاه منهجنا في دراسة العقيدة أن نأخذ عقيدتنا من الكتاب والسنة فقط وأن نفهمهما كما فهمهما الصحابة والتابعون والأئمة الأعلام ومن سار على نهجهم وكما قالوا الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف. Et nous devons le dire haut et fort et devant tout le monde, car cette aqida, c'est notre religion, et ce notre c'est sur laquelle doit être basée notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Notre voie, nous devons le dire très fort, que notre voie dans l'étude de la aqida, c'est le livre et la sunna, avec la compréhension qu'on avait les compagnons radouanallah alayhim, leurs successeurs et les imams de la science et ceux qui les suivent à la perfection. Et comme ils ont dit, rahimahumullah, le bien, tout le bien est dans le suivi des pieux prédécesseurs radouanallah alayhim, et le mal et tout le mal est dans l'innovation des khalaf. Le khalaf, tous ceux qui sont en divergence avec salaf, avec les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Fa wa kama ya'lamu al-jami' hadhihi al-qa'idah as-sahihah, hadhihi al-'aqidah as-sahihah taqumu 'ala usulin sittah, wa hiya al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi, wa hadhihi al-usul ukhidat min kitab rabbina wa min sunnati nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. وهذه هي التي بدأنا دراستها من خلال رسالة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجبريل عليه السلام يسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم الإيمان فيقول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم وهو كذلك في صحيح الجامع. Et donc, cette aqida authentique, comme vous le savez, est basée sur six piliers. La foi en Allah, en ses gens, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Et ces piliers sont dans le livre d'Allah et la sunna de notre prophète alayhi salam. Et ces piliers, ce sont le sujet de la risala de Cheikh Al-Utaymin que nous étudions le samedi et le dimanche. Les preuves de ces piliers sont nombreuses dans le livre d'Allah, fait partie de ces preuves. Le verset qui nous dit, dans la traduction approximative du sens de ce verset, « Le messager a cru en ce qu'on a fait descendu sur lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses gens, en ses livres, en ses messagers, en disant, ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Et ils ont dit, nous avons entendu et nous obéissons. Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est vers toi le retour. Et l'autre verset dans Sourate An-Nisa, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre, sur son messager, au livre qu'il a fait descendre avant. » Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, s'enfonce loin dans l'égarement. Et aussi le hadith du Jibril, quand Jibril avait interrogé notre messager, alayhi salam, c'est quoi la foi? Il lui a dit, alayhi salam, la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, à ses livres, en ses messagers, et en le jour dernier, et que tu crois en le destin bon et mauvais. Le hadith, il est chez l'imam muslim, et il est aussi dans l'authentique du Sahih al-Jami'. وهذه العقيدة كلها تعود إلى هذه الأصول الستة وهذه الأصول هي التي ويجب علينا جميعا أن نعلم أن العقيدة الإسلامية لا تقبل التجزئة فهي وحدة واحدة مترابطة شد الارتباط فمن آمن بأصل وكفر بأصل فهو كافر ومن آمن بالأصول الخمسة وكفر بواحد فهو كافر ومن آمن بكل الأصول وكفر برسول واحد فهو كافر فالذين يؤمنون بكل الرسل ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار عند الله ويخلدون في نار جهنم قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا إذن يجب علينا جميعا أن نؤمن بهذه الأصول الستة وما يتفرع عنها وأن نضع ذلك في قلوبنا ونعقدها على ذلك وندين الله بذلك حتى نلقاه. Et donc ces six piliers sont la fondation de, qui sont la fondation de cette aqida. Il est obligatoire pour nous, comme nous l'avons vu dans les paroles de Cheikh Salih al-Sheikh que j'ai cité le week-end dernier, de savoir que la aqida musulmane est un tout qui ne peut pas être composé et qui ne peut pas être morcelé. C'est une unité compacte. Les piliers sont liés entre eux. Celui qui croit en un fondement et mécroit en un autre, il est mécréant. Celui qui croit en cinq fondements et mécroit en un seul fondement, il est mécréant. Et celui qui mécroit en un seul messager, il est mécréant. Donc, ceux qui croient en tous les messagers alayhi salatu salam et mécroient en Muhammad alayhi salatu salam, ce sont des mécréants pour Allah et leur demeure, c'est l'éternité du feu de l'enfer. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais nous croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, c'est-à-dire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Il est obligatoire pour nous de croire en ces six fondements et de croire en ce qui, en tout ce que incombe ces six fondements et tout ce qui découle de ces six fondements, et que ceci doit être enraciné dans nos cœurs, hein, et qui doit être notre religion jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن أخ الإسلام هذه العقيدة في القلب لا تكفي وحدها بل لا بد لها من نطق باللسان وعمل بالجوارح فالعقيدة التي تسكن في القلب ولا ينطق بها اللسان ولا تعمل بها الجوارح عقيدة خاوية باردة لا تستحق أن تسمى عقيدة لا بد أن ينطق اللسان بما وقر في القلب ولا بد أن يظهر على الجوارح أطر ما اعتقده القلب مي Cette aqida ancrée dans le cœur, ou cette aqida dans le cœur ne suffit pas. Il faut la prononciation de la langue et l'acte des membres du corps. La aqida qui est dans le cœur et qui ne se concrétise pas par la prononciation de la langue et par les actes du membre du corps est une aqida vide, une aqida froide et vide de sens. Il ne mérite pas d'être appelé une aqida. Il est obligatoire dans la aqida la prononciation de la langue. Pour confirmer et certifier ce qu'il y a dans le cœur. Et que cela aussi doit être concrétisé par les membres, par l'accomplissement des actes et l'accomplissement des bonnes œuvres. وَبِالْمِثَالِ يَتَّضِحُ الْمَقَالِ فَهَذَا أَبُو طَالِبٍ يَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله وقال في ذلك ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك بذاك مبينا ولكنه مع هذا العلم لم ينطق بالشهادتين ولم تعمل جوارحه بالإسلام فمات كافرا فالمعرفة لا تنفع إلا بالنطق باللسان والعمل بالجوارح Et donc, avec l'exemple, la situation deviendra encore plus claire. Regardez cet homme, Abu Talib, comment il a défendu le prophète, alayhi salam. Et Abu Talib savait avec certitude que la religion de Muhammad, alayhi salam, c'est la vérité. Et que Muhammad, alayhi salam, était le messager d'Allah. Et que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a envoyé Muhammad, alayhi salam. Mais cela ne l'a pas fait rentrer en islam. Et il est mort mécréant. Et écoute comment il reconnaît tout cela dans le sens approximatif de sa poésie où il dit Abu Talib dit Tu m'as appelé vers le monothéisme et je sais que tu m'as prodigué le conseil et tu es véridique et digne de confiance. Tu m'as exposé et appelé vers une religion et je sais que c'est la meilleure des religions des créatures. Si ce n'est la peur des reproches et des calomnies et des insultes, j'aurais répondu à ton appel. Abu Talib n'a pas répondu à l'appel à la da'wah du messager alayhi salam et il est mort mécréant. Regarde avec ce savoir qu'il détenait, il n'a pas prononcé les deux attestations et il n'a pas accompli les œuvres que cela implique. Il n'a pas accompli d'acte de l'islam. Et les morts mécréants. Le savoir tout seul ne sert pas. Hein? Le savoir ne sert qu'avec une mise en application de la langue et des membres du corps. Fa hunaka alaqatun bayna al-aqidati wal-iman. Fa al-aqidatu hiya aslu al-iman wal-iman lahu shatran, aqidatun sahihatun naqiyatun tastaqirru fi al-qalb wa 'amalun يظهر على الجوارح فعقيدة بدون نطق باللسان وعمل الجوارح لا تنفع وعمل ونطق بدون عقيدة عقيدة فاسدة لا تقبل فلا بد من الاعتقاد والعمل et donc il y a une relation très forte, une liaison très forte entre la aqida et l'iman, c'est-à-dire les œuvres. La aqida, c'est la fondation de la foi. C'est la fondation sur laquelle doivent être établies les œuvres. Hein? Et la foi, elle est composée de deux parties. Une aqida authentique, enracinée dans le cœur, et des œuvres qui s'accomplissent avec les membres du corps. la prononciation de la langue et aussi à les œuvres qui s'accomplissent avec les membres du corps, les mains, etc. Une aqida sans la prononciation de la langue et sans les actes des membres du corps ne sert à rien. Et des actes et une prononciation de la langue sans aqida ne servent à rien. Il est obligatoire d'avoir les deux. Hein? La croyance et les œuvres en même temps. Les œuvres du cœur, les œuvres de la langue, les œuvres du membre, du corps. ولذلك عرف السلف الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد في القلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا جاء إنسان يريد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن ينطق بالشهادتين وأن يعتقد في قلبه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن تعمل جوارحه بمقتضى هذه الشهادة. Donc c'est pour cela que السلف رحمهم الله ont donné comme définition à l'iman, prononciation avec la langue, croyance dans le cœur et des actes avec les membres du corps. Il augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Quand quelqu'un veut rentrer dans l'islam, obligatoirement il doit prononcer l'attestation de foi, il doit croire avec son cœur en la signification de cette attestation et d'accomplir aussi les œuvres qu'implique cette attestation. فمن نطق بلسانه وعمل بجوارحه ولكن كذب بقلبه فهو أمامنا مسلم ولكنه عند الله منافق. ومن نطق بالشهادتين وصلى وصام وحج وجاهد ولكنه كذب بقلبه هذا الدين وعاد هذا الدين فهو أمامنا مسلم ولكنه عند الله منافق. لماذا؟ لأن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنهم لكاذبون. فشهدوا وصلوا وصاموا قالوا ألم نك معكم؟ قالوا بلى. ولكن مع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. فكم من الناس في هذا الزمان العجيب يدعي الإسلام والإسلام بريء منه. Et celui qui prononce l'attestation avec sa langue et accomplit des œuvres mais demeure et son cœur et dans son cœur il dément dans son cœur cette attestation, ce qu'il implique, etc. Mais il a prononcé avec la langue et il accomplit des œuvres. Hein? Pour nous, dans l'apparence, il est musulman parce que ce qui nous appartient, c'est juste l'apparence. Mais pour Allah, c'est un hypocrite. Hein? Donc celui qui prononce l'attestation, prie, jeûne, fait même des pèlerinages, peut-être comme ceux qui était avec le prophète alayhi salam parmi les hypocrites, a combattu sur le sentier d'Allah. Hein? Mais il dément dans son cœur. Il ne prend pas tout ceci comme véridique dans son cœur. Hein? Et il déteste intérieurement, il déteste cette religion. Hein? Il est musulman dans l'apparence, mais pour Allah, il est hypocrite. Pourquoi? Regarde ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala concernant les hypocrites dans sourate les hypocrites. Les hypocrites ont dit dans cette sourate, dans la traduction approximative du sens du verset, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Et à la suite de ce verset, il est dit, et Allah sait que les hypocrites mentent. Allah, il connaît l'intérieur. Hein? Ils ont attesté, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait. Ils ont même dit dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, n'étions-nous pas avec vous? Certes oui, vous étiez avec nous. Mais avec tout cela, comme le cœur n'a pas suivi, et comme dans le cœur il y a le fait, ils démentent, ils ne prennent pas comme véridique, avec tout cela, ils sont dans le plus bas fond de l'enfer. Ad-darkul asfal, le plus bas fond de l'enfer. Et combien de gens à notre époque prétendent l'islam et l'islam est une leçon d'eux. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. كذلك من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم تعمل جوارحه كذبناه فالمعرفة لا تنفع وحدها. فهذا فرعون يعلم ويعرف أن موسى جاء بالبينات من ربه ومع ذلك جحدها وعاد موسى ومن معه. وهؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا جاء بالحق من عند ربه، يقول جل وعلا في وصفهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك عادوا دينه إلى يومنا هذا وحاربوه ووقفوا في وجه دعوته، فالمعرفة وحدها لا تنفع. Et il en est de même pour celui qui croit avec son cœur, mais ne prononce pas avec sa langue, il n'œuvre pas, il ne met pas en application, hein, il ne fait aucune œuvre. Hein, il croit dans son cœur, il ne prononce pas ce qu'il croit avec son cœur, avec sa langue, il ne le prononce pas. Et il ne met pas en application. On ne peut pas le prendre comme véridique. La connaissance ne sert pas, à elle toute seule ne sert pas. Il ne peut pas être pris comme véridique. Parce qu'il faut des actes qui prouvent, qui certifient ce qu'il y a dans le cœur. Il faut la testation prononcée par la langue. Et donc il ne peut pas être pris comme véridique. Pharaon savait que Moussa, alayhi salatu wassalam, a amené les preuves claires de son souverain. Et malgré cela, il les a rejetées. Il s'y met comme adversaire contre Moussa et son peuple. Et les compagnons de Moussa, et les gens du livre, les juifs, ainsi que les chrétiens, savent que Muhammad alayhi salatu wassalam a ramené la vérité de son souverain. Le verset, il est clair, il dit ceci, dans la traduction approximative, ils le connaissent, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Hein? Les gens connaissent bien leurs enfants. Hein? Ben oui, les chrétiens et les juifs connaissent Muhammad alayhi salatu wassalam comme ils connaissent leurs enfants. Et malgré tout cela, ils se sont opposés à lui. Ils l'ont pris comme ennemi et ont rejeté sa religion jusqu'à nos jours. Et ils l'ont combattu et ont fait front contre sa da'wa. Donc, la connaissance à elle seule ne sert à rien s'il n'est pas accompagné d'attestation et s'il n'est pas accompagné d'œuvres. S'il n'est pas accompagné des œuvres que ça implique. Regarde maintenant la cime de la haine. Hein? Ce qu'il y a, ce que tu vois actuellement, hein? Ce qui arrive de nos jours, le camp de concentration là-bas en Chine pour faire apostasier les musulmans. Et regarde autour de toi les termes qu'on emploie maintenant. Le séparatisme musulman ou là le séparatisme islamique. Pour arriver à quoi? C'est une haine contre l'islam, pour criminaliser l'islam et les musulmans. Et tu ne dois pas t'endormir à l'islam. Tu dois te réveiller et comprendre ce qu'il y a, hein, le gouffre dans lequel on veut te jeter. Et sauve-toi tant qu'il est temps. Et sauve ta religion et sauve ta famille. Et accomplis ton devoir avant de le regretter. Alors la situation, faut pas croire que hein, tu es le bienvenu. En tant que musulman qui tient à sa religion, ah, tu n'es pas le bienvenu. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu sauves ta peau et celle et tes enfants avant que ça ne soit trop tard. Voilà quand tu t'amènes Iblis, يعلم أن هناك إلها ويعلم أن هناك بعثا وقيامة. قال تعالى على لسانه رب فانظرني إلى يوم يبعثون. ويعلم أن هناك جنة ونارا ويعلم أنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، ومع ذلك جند نفسه وجنده لمحاربة الحق وأهله. إذا المعرفة وحدها لا تنفع، فلا بد من النطق ولا بد من العمل. Et tu as médité la situation d'Iblis, alayhi la'natullah. Iblis sait qu'il y a Allah. Il sait qu'il va y avoir la résurrection. Hein? Il médite ce qu'il a dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset. Laisse-moi jusqu'au jour où ils vont être ressuscités. Il sait qu'il va y avoir la résurrection. Il sait qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. Il sait qu'il appelle son parti vers l'enfer. Et avec cette connaissance, il s'est attelé et a préparé son armée à combattre la vérité et les gens de la vérité. Donc la connaissance seule ne sert pas. Obligatoire la prononciation et les œuvres. Obligatoire. كذلك من اعتقد في قلبه ونطق بلسانه وامتنع عن العمل كما نرى كثيرا من الناس فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول وقل اعملوا وهو لا يعمل ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له والحديث متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم بادلوا بالأعمال رواه الإمام مسلم وهو لا يعمل كما نرى كثيرا من الناس فهو على خطر عظيم إذن النجاة لا تحصل بالاعتقاد القلبي وحده ولا بالعمل وحده ولكن الإيمان الصادق الذي ينجي من عذاب الله ويدخل صاحبه الجنة هو اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. Il en est de même pour celui qui croit avec son cœur et prononce avec sa langue, il n'ouvre pas, comme on voit, qu'il ne met pas en application ce qui lui est demandé, ce que lui impose cette croyance. Comme on voit beaucoup de gens, ils désobéissent à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Ce sont des désobéissants à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Car il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, et dis-leur, œuvrez. Et la personne n'œuvre pas. Notre messager a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, œuvrez, chacun lui sera facilité les choses, les œuvres pour lesquelles il a été créé. Œuvrez. Hein? Et il a dit, dans l'autre hadith rapporté par l'imam Muslim, entreprenez les œuvres. Et la personne avec tous ses ordres, venant d'Allah et venant de son messager, alayhi salam, ne met pas en application, n'œuvre pas. Et combien ils sont nombreux, ceux qui agissent ainsi, ceux-là, ils sont dans une situation très dangereuse. Donc pour être sauvé, on ne peut pas l'être seulement avec la croyance du cœur. Et on ne peut pas l'être seulement avec les œuvres seulement. Les œuvres sont la croyance. On ne peut pas être sauvé comme ça. Mais la foi véridique qui sauvera du châtiment d'Allah et qui fera rentrer la personne au paradis par l'ordre d'Allah, c'est la croyance du cœur accompagnée de la prononciation de la langue et avec les œuvres. Et les œuvres accomplies avec les membres du corps. وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فالمؤمن الصادق إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا سمع القرآن ازداد إيمانا. Et cette foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Il est dit dans le verset, cité ici dans la traduction approximative de ce verset, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Ils placent leur confiance, ceux-là, ces croyants, hein, placent leur confiance en Allah, en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière, ils accomplissent la prière. Ils dépensent un peu sur le sentier de Allah, subhanahu wa ta'ala, de la subsistance que Allah, subhanahu wa ta'ala, leur a attribuée. Et il est dit d'eux, ceux-là, ce sont en toute vérité les croyants. Ils ont des degrés élevés chez Allah Azza wa Jal. Ils ont des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Hein? Donc, tu vois bien dans le verset que la foi augmente. Et que les croyants véridiques, ce sont ceux qui ont la foi dans le cœur et en même temps des œuvres qui suivent. La prière, la charité, et ainsi de suite. Donc le croyant véridique, quand Allah est mentionné, son cœur frémit. Et quand il entend le Coran, sa foi augmente. Hein? Et comment on peut arriver à tout cela? C'est de comprendre la parole d'Allah, Azza wa Jalla. Obligatoire pour nous de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça puisse booster notre foi. Hein? Il faut le lire et apprendre et se doter des moyens qui vont nous permettre de comprendre la parole des hommes de science qui expliquent cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on puisse profiter quand on entend le Coran, hein, à ce que notre foi, à ce qu'il nous booste, à ce que. Et comment se passe le fait d'être boosté par le Coran? C'est que, quand j'entends quelque chose, une interdiction du Coran, je m'abstiens. Quand j'entends, hein, qu'il faut accomplir quelque chose, si j'ai la capacité de le faire, je le fais. Et ainsi de suite. C'est comme ça que la foi augmente. Et quand on régresse en arrière et on désobéit, on ne met pas en application, il est normal que la foi baisse, hein. وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وقال عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et donc il est dit dans l'autre verset dans sourate Al-Imran, dans cette traduction approximative du sens du verset, certes ceux auxquels l'on disait, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela augmente leur foi. Ils dirent, Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils reviennent avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les touchera. Ils suivèrent ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Hein? Malgré qu'on leur annonce que les gens se sont réunis contre eux, pour les coaliser, pour les combattre, hein? Cela a augmenté leur foi. Hein? Parce qu'ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Parce qu'ils ont mis leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon, sûre. Hein? Et il est dit dans l'autre verset, cité ici, dans Surat al-Fath, dont la traduction approximative nous dit ceci, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants, afin qu'ils augmentent leur foi. Et à Allah appartient les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et fait tout à la perfection. Regarde, la quiétude vient min Allah Azza wa Jal. Ok, pour à augmenter la foi de ses croyants véridiques. Hein? Et tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui sait tout subhanahu wa ta'ala. Et le messager a dit dans le hadith authentique chez le Bukhari, la foi est plus de 70 branches et la pudeur est une partie de la foi. La pudeur qui est un acte du cœur est une partie de la foi, comme la prière c'est une partie de la foi, comme le fait de enlever le mal sur le chemin est une partie de la foi, et ainsi de suite. La foi est un ensemble, hein? Surtout au niveau de la aqidah, au niveau des six piliers, ça se morcelle pas, hein? Croit en tout, en six piliers complètement, et en ce que ça implique, Hein? Et les œuvres font partie de cette foi. Hein? Et chacun, il met en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala, les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé à mettre en application et à accomplir. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la porte Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert dans le bien. Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre des portes différentes dans le bien. Hada c'est dans la charité, hada c'est dans le jeûne, hada c'est dans la science, hada c'est dans la prière, hada et chacun. Hada c'est une forme de subsistance aussi. Allah subhanahu wa ta'ala octroie à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Comme ils ont dit à l'imam Malik rahimahullah, on voit pas que tu fais beaucoup de jeûne et beaucoup de prière, etc. Il a dit ceci est une subsistance min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert la porte de la science. Et j'agrée et j'accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a octroyé. Hein? وقال فكلنا علينا جميعا أن نراقب إيماننا إذا نظرنا في كتاب الله هل نزداد أم ننقص وعلينا أن ننظر نظرنا إلى الكاسيات العاريات في الشوارع أنجده يزيد أم ينقص Et tous nous devons observer notre foi. Regardez, est-ce que, quand on lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça augmente notre foi? Et aussi, quand on fixe notre regard sur les moitié nus dans la rue, ou ceux qui ne sont pas vêtus, qui sont dans la rue, est-ce que ça diminue pas notre foi? Il n'y a aucun doute que cela diminue la foi. Et nous devons observer ça. Et regardez comment la foi augmente et comment elle baisse. Regarde la situation dans laquelle tu es durant le mois de Ramadan et regarde en dehors du mois de Ramadan. La foi, il augmente et il diminue. Et nous devons nous occuper de ce point parce qu'il est très important. فَمَا هِيَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَزِيدُ الْإِيمَانِ C'est quoi les causes qui vont permettre à la personne d'augmenter sa foi? أولها العلم الشرعي علم الكتاب والسنة العلم الشرعي يزيد الإيمان كلما ازداد الإنسان علما يبتغي به وجه الله ازداد إيمانه قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أخشى الناس لله العلماء الذين تعلموا العلم يبتغون به وجه الله والدار الآخرة لا يتعلمون العلم رياء وسمعة لا يتعلمون العلم ليصيبوا به عرضا من أعراض الدنيا لا يتعلمون العلم ليتصدروا المجالس تعلموا ابتغاء وجه الله فازدادوا إيمانا بالعلم قال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال الصحابة رضوان الله عليهم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا Et donc, c'est quoi les causes qui font augmenter la foi? La première des causes, c'est la science de la législation. Oui, la science du livre et de la sunna, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. La science légiférée augmente la foi de la personne. Plus la personne augmente sa science, et plus il apprend pour acquérir les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait avec sincérité, sa foi augmente. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, « Certes, ne craint Allah que les savants ». Ceux qui connaissent Allah, ils le craignent comme il se doit. Cela veut dire que ceux qui connaissent Allah comme il se doit, ce sont les savants, ce sont ceux qui ont appris. Ceux qui ont appris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science du livre, la science de la sunna, et qui l'ont appris pour le delà. Ils ne l'ont pas appris pour la réputation, ni pour l'ostentation. Ils ne l'ont pas appris non plus pour les postes, ni pour l'épicune du savoir monde. Ils l'ont appris tout simplement pour Ils ne l'ont pas appris non plus pour être devant de la scène, ni pour avoir les projecteurs orientés vers eux. Hein? Ils l'ont appris pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui fait augmenter la voix. Et il est dit dans leur description, dans Surah Zumar, dans le verset 9, dans cette traduction approximative du sens du verset, « Est-ce que celui qui est aux heures de la nuit reste en dévotion prosternée pour Allah, prenant garde à l'au-delà et espérant à la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Hein ? Qu'est-ce qui a fait que celui-là, il est debout la nuit ? Il a laissé son matelas, sa femme, il s'est mis debout pour prier, pour se prosterner, pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce savoir qu'il a acquis, hein, qu'il a poussé pour augmenter vers les œuvres qui vont augmenter sa foi. Et à implorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et à invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, et à délaisser, peut-être au moment où il fait très froid, sa place bien au chaud pour, hein, implorer Allah, subhanahu wa ta'ala, les derniers tiers de la nuit, ou là au milieu de la nuit, etc. Et cela, il lui vient de quoi? Qu'est-ce qui l'a motivé à agir ainsi? C'est justement ce savoir qu'il a acquis, et qu'il met en application. Et les compagnons, radouallah alayhim, disaient, nous avons appris le Coran et cela a augmenté notre foi. Comment ça se fait qu'il a augmenté leur foi? Hein? Quand ils prenaient, ils ne dépassaient pas les 10 versets, radouallah alayhim, sans avoir compris ce qu'il y a dedans comme jugement, comme statut, comme acte, ils le mettaient en application. Voilà ce que ça veut dire. Ils mettaient en application ce qu'il a. Hein? Ce qu'ils entendaient, les 10 versets, ils les mémorisaient, ils les comprenaient, ils voyaient qu'est-ce qu'il y a à mettre en application, ils le mettent en application, les choses à éviter, ils les évitent. Voilà comment ils arrivaient à augmenter leur foi, ridwanullah alayhim. ثانياً الطاعة والاستقامة تزيد الإيمان ولذلك قال رجل يا رسول الله أوصني فقال له عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم فالإيمان يحتاج إلى استقامة والاستقامة على الإيمان تزيد في الإيمان على قواتيقة لا يستغني الإيمان عن الاستقامة ولا تنفع الاستقامة بدون إيمان قال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم فلما استقاموا ازداد الإيمان ولما ازداد الإيمان دفعهم إلى الاستقامة والأعمال الصالحة et la droiture et la constance dans l'obéissance augmentent la foi de la personne. C'est pour ça qu'un homme a dit au messager alayhi salatu wassalam, conseillez-moi au messager d'Allah. Le messager lui a dit, dis, je crois en Allah et accomplis l'obéissance et sois constant dans la droiture, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah. Il est rapporté par l'imam muslim. La foi a besoin d'obéissance et de constance dans la droiture. Et la constance dans la droiture augmente la foi. C'est une liaison très forte entre la foi et la constance et l'obéissance. Il y a une grande liaison. L'un est lié à l'autre. La foi a besoin de la constance dans la droiture, hein, pour qu'il augmente, hein, et la constance dans la droiture a besoin de cette foi. S'il n'y a pas cette foi, il n'y aurait pas de constance ni d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les deux sont liés, la foi et la constance dans l'obéissance, les croyances et la constance dans l'obéissance, c'est-à-dire la croyance et les œuvres, tout simplement. Une constance sur les œuvres sans la foi ne sert à rien du tout. كيف يريدون يريد الذين لا يعرفون المسجد إلا يوم الجمعة ولا يعرفونه إلا في رمضان، والذين لا يصلون الأرحام، والذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ها كيف يمكن أن يزيد إيمانهم؟ هذا مستحيل. لا بد من الاستقامة على الطاعة لزيادة الإيمان. أين الكثيرين من الاستقامة المأمور بها؟ فقول الله سبحانه وتعالى une constance sur les œuvres sans la foi ne sert pas. Le verset nous dit dans Sourate Fussilat, dans la traduction approximative du sens du verset, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et qui restent constamment dans la droiture, les anges descendent sur eux, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais vous avez la bonne nouvelle, le paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos alliés dans ce bas monde et dans le-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil vous a été préparé par le très grand pardonneur et le très miséricordieux. Donc, comme ils étaient constants dans la droiture, leur foi a augmenté. Et quand la foi a augmenté, ça les a poussés à augmenter leurs bonnes œuvres et leur droiture. Et ça nous montre comment la foi peut augmenter. Ça nous montre comment la foi peut augmenter de ceux qui ne connaissent la mosquée que le vendredi, ou ceux qui ne connaissent les mosquées que pendant le mois de Ramadan. Et comment la foi peut augmenter de ceux qui coupent les liens de parenté et les liens de sang. Et comment la foi peut augmenter chez ceux qui ne blâment pas le répréhensible. Ils n'ordonnent pas le convenable. Où sont beaucoup de la constance sur la droiture demandée, et la droiture qui est demandée par Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك الأمر الثالث الذي يزيد في الإيمان ذكر الله بما هو مشروع وبما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا وجدت نفسك ذاكرا لله فاعلم أن الإيمان بخير، وإذا وجدت نفسك غافلا عن ذكر الله فاعلم أنك على خطر. يقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم الإيمان يزيد وينقص، قالوا ما هي زيادته ونقصانه؟ قال لهم إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. Et donc, parmi les choses aussi, les moyens qui augmentent la foi de la personne, l'invocation d'Allah, et le fait de l'invoquer d'une façon légiférée, et de l'invoquer conformément à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceci augmente la foi de la personne. Le verset nous dit ceci dans la traduction approximative du sens du verset, « Certes, l'invocation d'Allah apaise les cœurs. » Si tu vois que tu invoques constamment Allah, sache que ça va dans ta foi. Et si tu trouves que tu es insouciant à ce niveau-là, sache que tu es en danger. Si tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu es dans un grand danger. Un compagnon a dit, radiallahu anhu arda, la foi augmente et diminue. Ils ont dit, c'est quoi son augmentation? Et c'est quoi sa diminution? Il leur a dit, quand on invoque Allah, quand on glorifie Allah, quand on loue Allah, ça c'est son augmentation. Et si on y a insouciant, et si on oublie ça, ça c'est sa diminution. Ridwanullah alayhi majma'in. التفريط أخ الإسلام والمعصية تنقص الإيمان. فإذا انغمس الإنسان في المعاصي ليلا ونهارا ربما خرج من الإسلام، لأن من عقيدة السلف أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولأن كثيرا من الناس إذا انغمسوا في المعاصي استحلوها، وإذا استحلوا المعاصي كفروا. قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. رواه مسلم. La désobéissance et la négligence aussi diminuent la foi. La désobéissance ainsi que la négligence diminuent la foi. Il en est de même de l'insouciance. Quand la personne baigne dans la désobéissance, baigne de la négligence, dans l'insouciance, nuit et jour, peut-être ça peut l'amener à sortir de l'islam si sa désobéissance, j'ai dit que la situation dans laquelle la désobéissance elle est licite, ça peut l'amener à ça, hein, de dire que c'est licite et dans ces cas-là, khlas, il ouvre la porte de la mécréance et il part. Et donc, Salaf disait que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Beaucoup de gens, quand ils baignent dans la désobéissance, ils arrivent, comme j'ai dit, à déclarer que ceci, c'est une situation normale, que tout cela est licite, hein, riba, c'est licite, hein, prendre un verre d'alcool de temps en temps, ça ne fait pas de mal, c'est licite, et ainsi de suite, hein. Il déclare haut et fort là la désobéissance, il déclare la licite, hein, comme quoi la désobéissance est licite. Et ceci, il n'y a aucun doute que ça annule son islam. Notre messager alayhi salam a dit, le croyant ne commet pas l'adultère quand il est croyant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne commet pas l'adultère quand il le commet une fois que sa foi est faible. Une fois qu'il est faible dans sa foi, il tombe dans l'adultère. Et le voleur ne vole pas quand il est croyant. Ça veut dire que quand sa foi est faible, il va voler. Hein, c'est la faiblesse de la foi qui va le pousser à voler. Et il ne consommera pas l'alcool quand il est croyant. C'est-à-dire, il va le consommer une fois que sa foi est faible. Et le repentir est devant lui. Dans le hadith, Rasulullah nous dit, il le repentir, il est devant lui. C'est-à-dire, hein, s'il commet ses péchés, hein, la porte du repentir, il est ouverte. Hein? والناس أخ الإسلام في تقسيم أهل المعاصي طرفان ووسط. الطرف الأول يكفرون الناس بكل ذنب، فمن ارتكب معصية فهو عندهم كافر وخارج عن الإسلام، ولا يدفن في قبور المسلمين، ويحل ماله ودمه وعرضه. وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة ومن صار على نهجهم حتى اليوم، فكر سيء وضلال مبين. فهؤلاء الذين يكفرون بكل ذنب وأوقعوا الأمة في نار الفتنة نبرأ إلى الله من فكرهم ومن عملهم. Et les gens dont la division des désobéissants sont, hein, dans le fait de cataloguer les désobéissants, ils sont dans deux extrêmes. Hein? L'extrême des exagérateurs qui jettent l'anathème et qui décrètent la mécréance de tous ceux qui font des péchés capitaux. Tout un chacun qui commet un péché capitaux, pour eux c'est un mécréant. Et pour eux, il ne doit pas être enterré dans le cimetière des musulmans. Sa fortune est un butin, ainsi que sa famille, hein, et sa vie aussi, hein. Et ceux-là, c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila, et de tous ceux qui ont suivi leur chemin, tels Dawa'ij, tels Ashab al-Qa'ida, al-Qutbiya, et j'en passe. Et ça, c'est une pure tendance basée sur un égarement clair. Ceux-là, qui jettent l'anathème sur toute personne qui commet un péché capital, ont traîné la communauté dans de grandes séditions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et nous nous désavouons de leurs pensées, de leurs voix, ainsi que de leurs actes. Ça, c'est, hein, une extrême. طرف آخر لا يكفرون أبدا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وهؤلاء هم المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان وهذا مذهب خبيث كذلك ومذهب ضال وأفكارهم موجودة بين الناس ترى كثيرا من الناس لا يصلي لا يصوم لا يحج أو يشرب الخمر أو يأكل الربا أو عاق لوالديه ويقول المهم القلب والله غفور رحيم فهؤلاء وعليكم السلام ورحمة الله جرأوا الناس على المعاصي فهؤلاء يكفرون بكل ذنب وهؤلاء لا يكفرون أبدا إفراط وتفريط et les gens face. La deuxième extrême, ce sont les laxistes. Les khawarij, c'est les exagérateurs, et ceux-là, ce sont les laxistes, ceux qui ne voient pas la mécréance de personne. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et qui disent, pour les péchés n'ont aucun impact néfaste sur la foi. Hein? Il n'y a pas de problème. Si la personne commet des péchés, ça ne diminuera pas sa foi. Ça ne gêne en rien sa foi. Hein? Et ceci aussi, c'est un grand égarement. Un énorme égarement. Hein? Et c'est ce qu'on appelle le morji'a qui veut dire qui ont sorti les actes de la foi. C'est-à-dire pour eux, là, les actes ne sont pas une composante de la foi. Donc ils ont dépouillé la foi de quelque chose d'essentiel qui sont les actes. Hein? Et donc pour eux, la personne, hein, comme il adultère, fait ce qu'il veut, du moment que hein, la foi est dans son cœur, là c'est les croyants. Il est comme Jibril. Hein? Et ça aussi, c'est une situation qui est très dangereuse. Hein? Et c'est un grand égarement. Hein? Et cette pensée existe chez beaucoup de gens dans la communauté. Chez beaucoup, ne prient pas, ne jeûnent pas, ne font pas de pèlerinage, ne blâment pas le mal. Peut-être ils fument, ils boivent de l'alcool, peut-être ces transactions sont dans le riba. Et il dit tout est dans le cœur, l'essentiel c'est le cœur. Peut-être même qu'il est mauvais avec ses parents, et qu'il coupe les... Il te dit tout est dans le cœur, Allah est le grand pardonneur. Et ça, c'est une situation qui est très dangereuse. D'un côté, vous avez le khawarij, l'extrême qui rend mécréant tout un chacun qui... Hein, qui commet les péchés, de l'autre côté, ceux que... Ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, et ils donnent même l'audace aux gens de commettre les péchés en agissant ainsi devant eux. Et on leur inculquant que tout est dans le cœur. Abadan akhal islam. Ce qu'il y a dans le cœur doit être concrétisé par des actes. À savoir, la mise en application de ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'abstenir de ce qu'il a interdit. Hein? Donc les deux extrêmes sont très dangereuses. Et il y a une voie du juste milieu. Amma al-firqa al-najiya wa firqatul wasat. Sallallahu subhanahu wa ta'ala ja'alna wa iyyakum minhum fala yukaffiruna ahadan min ahli al-qilb la bidanbin illa idha istahalla wa la yaqulun la yadurru ma'a al-iman dhanb liman 'amila fa'aqidatu ahli as-sunnah wal jama'ah annahum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qiblati bidanbin illa idha istahalla qala hadha halal ar-riba halal aw al-khamr halal fa'inda dhalika yakfur ha wa hadha raddun 'ala al-khawarij. كذلك لا يقولون أن الإيمان أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وهذا فيه رد على المرجئة ولكن يقولون الذي يرتكب المعاصي على خطر عظيم ولا يكفرونه إلا إذا استحل ذلك الذنب وإلا فيسمونه مؤمن فاسق مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته ها؟ ولا يخرجونه من ملة الإسلام ما دام لم يستحل ذلك الفعل. أما إذا أكل الربا وهو يعلم أنه حرام فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. فإن مات على الإسلام فهو تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه. ها؟ وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وإن شاء غفر له. وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. ولنا نحن في هذه الدنيا الظاهر. أما الصرائر فهي لله عز وجل فهي لله عز وجل لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى mais il y a une troisième catégorie la catégorie du juste milieu les gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna ils sont entre ces deux extrêmes qu'Allah nous accepte et nous raffermit sur leur voie ils ne jettent pas l'anathème sur un musulman qui commet un péché, sauf s'il dit que ce péché est capital, ihlal. Ils l'auront licité. Par exemple, il dit que le riba c'est ihlal. Donc, ce cas-là, c'est lui-même qui s'est déclaré sa mécréance. Hein? Et ils ne disent pas non plus que les péchés n'ont pas d'influence, de mauvaise influence sur la foi. Eh ben, les péchés ont une mauvaise influence sur la foi. Ils font diminuer la foi. Hein? Donc, ils sont loin de la voie des deux extrêmes. Hein? Ils sont loin de la voie des deux extrêmes. Pour eux, celui qui commet des péchés, il est dans une situation dangereuse. Et tant qu'il ne prend pas comme l'issue de ce péché, il est toujours musulman. Et pour eux, la désobéissance, les péchés ont des influences néfastes sur la foi de la personne. Hein? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les gens de la sunna, et qu'il nous raffermi sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.